and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. You know what's new, this one, wait, wait. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, un événement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce premier samedi du mois de mai. Nous sommes le samedi 7 et on est ensemble pour 1h30, 90 minutes. Pour aborder eh bien, l'épisode numéro 442 de Planète Indie, bah oui, en ce beau samedi après-midi où le soleil est bien présent sur le sud Luxembourg. Alors si vous êtes comme moi, vous avez fait votre jardinage ce matin, vous avez tondu votre pelouse, je ne sais pas, vous avez planté des salades, que sais-je, eh bien, et que vous profitez d'un moment de répit et de repos bien mérité, eh bien ne bougez surtout pas. On a beaucoup de dossiers sur le feu aujourd'hui. Beaucoup de musique, évidemment. Là, on ira dans le monde de la bande dessinée. Et puis, je vous parlerai aussi de trois livres qui tournent aussi autour du monde de la bande dessinée. On ira faire un tour chez nos partenaires de concert, on va dire. Salle de concert, Rocal, Culture Fabrique, Neumünster. Et puis d'autres annonces à vous faire concernant cette émission. Allez, je vais pas en dire plus. Si vous avez suivi notre page Facebook, vous êtes déjà au courant. Mais bon, rien de bien mirifique, mais c'est des petits changements, pourquoi pas. Allez, je vous propose déjà de commencer en musique avec des nouveautés. Schoblum, A Thousand Words. Parfois, il n'y a pas besoin de 1000 mots, mais un seul, c'est suffisant. Et puis avant cela, eh bien, Stereoscope, c'est une nouveauté. Ils sont sortis chez nos copains de Anemos Records, Schoblum aussi d'ailleurs si je ne m'abuse. Stereoscope avec un morceau intitulé Under. Allez, il est 17h03, l'heure de Stere et de laisser la place à la musique. We'll be right back. sais pas si vous avez le même avis que moi, mais ce morceau est vraiment très bien. C'était Schoblum avec A Thousand Words, et on a commencé avec le morceau Under du groupe Stereoscope. On va rester chez nos amis de Principe Valiente, de Anemos Records, avec un autre morceau issu de leur répertoire, c'est Principe Valiente avec When We Can't Let Go. Et j'espère que la programmation musicale de ce début d'émission vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, vous connaissez le canal habituel. Il y a le téléphone, le classique, 26 54 00 44, 26 54 00 44, précédé du 00 352 si vous nous écoutez de France, de Belgique ou d'ailleurs dans le monde, puisque évidemment par internet on peut nous écouter de partout dans le monde. On a notre groupe Facebook, donc vous pouvez taper Planet Indie dans Facebook. Alors on a lancé aussi un canal Twitter, c'est nouveau, ça s'est fait cette semaine. Donc vous pouvez nous suivre aussi par Twitter, c'est @planetindie, c'est pas compliqué. Et puis on a aussi une page Facebook, ça il faut que je travaille encore dessus, mais c'est pas mal aussi. Donc Facebook /planetindie avec un point entre Planet et Indie si je ne m'abuse. Donc voilà, tous les moyens pour nous connecter, entrer en contact avec nous, nous faire part de votre avis sur la programmation musicale de cette émission et des autres émissions aussi. Et puis dans le groupe, vous pouvez retrouver pas mal d'artistes que vous entendez dans cette émission qui sont membres aussi de notre communauté. Voilà, d'ici quelques minutes, nous irons à la découverte de notre album Powerplay. Mais avant cela donc, Principe Valiente avec Can't Get Close Enough to You. Je ne suis jamais assez proche de toi. We'll be right back. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Lucky summer night, ceiling fan spinning, no relief from the heat. Wind in the trees says thunderstorm are coming. I brush your skin, electricity. As I reach for you, I want you more than ever. Wanna make you come undone. Moving in the darkness, nothing in between us. As we merge into one. Feel the pull, there's no holding back. Opposites attract. Jusqu'au bout, il s'appelle Brock Davis et il nous interprétait Can't Get Close Enough to You. Donc j'arrive jamais à être suffisamment proche de toi. Et je vous garantis que c'est un candidat powerplay. Son album s'intitule A Song Waiting to Be Sung, donc une chanson qui attend simplement d'être chantée. Et bien, en parlant de powerplay, à 17h22 en ce samedi 7 mai 2022, eh bien, je vous propose de passer à la découverte de notre album Powerplay de ce jour. Eh bien, il nous emmène ce mois-ci dans le Nord. Pas le Grand Nord, mais pas loin quand même. Nous nous embarquons donc en direction de la Suède et plus précisément de la ville de Borås. Si votre géographie de la Suède est défaillante, c'est un peu comme moi, j'ai jamais été si haut dans le nord. Eh bien, cette ville se trouve à mi-chemin entre Gothenburg et Jönköping. C'est en gros, eh bien, à la hauteur du point le plus septentrional du Danemark. C'est ici, eh bien, qu'est né et a grandi l'artiste qu'on en découvre aujourd'hui, Tobias Backstrand. C'est à son adolescence, eh bien, que le processus musical s'est enclenché. Il a commencé à jouer de la guitare électrique au début des années 80, lorsqu'il avait 14 ans à peu près. Ses idoles à l'époque étaient des groupes de style Iron Maiden ou encore Deep Purple. Avec l'âge, eh bien, il est devenu plus éclectique et il a appris à apprécier d'autres styles de musique. C'est assez large, vous allez voir, le rock, le blues, la musique soul, le jazz, la country, la folk et jusqu'à la musique classique. Donc oui, on peut dire que son spectre musical s'est bien élargi. On en retrouve d'ailleurs plusieurs traces sur son premier album qui vient de sortir, un premier album qui s'appelle Heal. Tobias, eh bien, il a ensuite commencé à jouer avec différents groupes locaux de rock et de hard rock à Boras, donc la ville où il a grandi. Bien que certains de ces groupes composaient leur propre musique, aucun cependant n'a jamais sorti d'album ni même de cassette démo, comme eh bien, on appelait ça à l'époque. Au début des années 2000, ça devait être en 2001 ou 2002, il m'a même dit lui-même qu'il ne se souvenait plus très bien exactement quelle année c'était. Tobias a fait la connaissance de Magdalena Gerberg et avec un autre musicien, eh bien, ils ont fondé un premier groupe. L'une de leurs premières chansons était la version originale du morceau Irish Coffee que l'on retrouve sur son premier album, en première place d'ailleurs de ce premier album. La connexion entre l'époque présente, l'album que nous découvrons aujourd'hui, et l'époque à laquelle on fait référence pour l'instant dans ce premier chapitre, eh bien, la connexion ne s'arrête pas là puisque la flûtiste Magdalena, qu'il a rencontrée, donc on vient de le dire, au début des années 2000, eh bien, elle est toujours de l'aventure avec lui. Voilà, je vous propose de terminer cette première partie, cette premier chapitre de la découverte de notre artiste powerplay, donc Tobias Backstrand. Et on fait une première incursion sur son album Heal, avec un morceau intitulé Drifting in the World. C'est un morceau qui parle de la difficulté de se sentir comme chez soi, comme à la maison, quand on arrive, quand on emménage dans un nouvel endroit. On a le choix, il faut soit travailler sur soi et prendre sur soi et s'approprier un peu ce nouvel univers, ou alors, eh bien, on continue à dériver au gré du vent. Ben oui, c'est ça que ça veut dire, drifting in the world. On l'écoute tout de suite, Tobias Backstrand, cet extrait de son album Heal, et c'est notre power play dans l'épisode 442 de Planet Indie en ce samedi 7 mai 2022. Power play. Power play. Hi, I am Tobias Backstrand and you're listening to Planet Indie. Down. times her heart's design seems out of reach for us. Don't lose hope. Cause somewhere down the road there lies a chest of gold. Voilà cet extrait de notre album Powerplay, comme je vous le disais il y a quelques minutes. C'est Thomas Beckstrand, Drifting in the World. J'espère bien que vous avez apprécié ce premier morceau. On en écoutera encore deux autres d'ici 18h30. Pour l'heure, si vous le voulez bien, eh bien, nous allons passer en revue le programme de notre partenaire de la Rocale pour ce mois-ci. Alors sachez déjà que le concert hip-hop rap qui était prévu ce soir, le concert de Canoë, eh bien, il est annulé, mais par contre, eh bien, vous pouvez aller voir à la place Sfera et Basta. C'est aussi du hip-hop et du rap, et c'est donc toujours à la Rocale. Demain, vous avez Youngblood. C'est dans le cadre du Life on Mars Tour. Autre annulation, celui de Denzel Curry qui devait avoir lieu jeudi prochain. Alors vous pouvez vous rabattre sur la pop de Benny, ça se passera donc le vendredi 13 mai. Attention, vendredi 13, hein. Dimanche 15, Dream Theater. Ah bah oui, ça c'est ça déménage pas mal, c'est du metal, du gothic rock. Ah bah je me demande si je vais pas me dépêcher pour avoir un ticket pour aller voir Dream Theater. Alors Be a Hero, c'est toujours pour les jeunes, hein, c'est entre le jeudi 17 le mardi 17 pardon et le vendredi 20. Ensuite il y a la rencontre mensuelle des membres Rock Lab, ce sera le 18 mai. C'est dans le cadre, avec le thème pardon des médias, des réseaux sociaux. Alors le 20 mai, Zucchero qui vient nous rendre une petite visite. Et le 20 mai, il y a aussi Vitalik Live. Là, ce sera au club dans la petite salle. Bah oui, hein, ils peuvent pas, ils sont pas dans la même catégorie que Zucchero. Ensuite, le concert de Camille et Julie Berthollet, eh bien, il est aussi annulé. Il était prévu le samedi 21. Le 22, Meshuga, c'est du métal. Le 23, Jojo Mayer et Nerve, ça c'est un peu plus blues et jazzy. Meute, le 24 mai. Le 25, c'est Thérapie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite à vous proposer? Brass Against le 27 mai. Et puis on arrive à des workshops. Il y a le concert de fin d'année de la Rock University qui se passera le 28 mai. Le 29 mai, Danko Jones. Et puis on arrive au mois de juin, le jeudi 2 juin, Ice Nine Kills avec, accompagné de Spirit Box. Le 3 juin, Sleeper's Guild. Et le 5 juin, Neil Morse Band. Ce qui nous fait dire qu'il y a notre prochaine émission, le numéro 443, ce sera le 4 juin prochain. Voilà, voilà, retour à la musique avec Fashion Curve, Deep Dem in Gold et Joanna Lilvick, Mother's Blues. Holding myself out of this bed. Everybody's calling me, everybody's calling, feels like they're in distress. A lovely place, yet it wouldn't hurt with a change. When I look in the mirror, oh, when I look in the mirror, oh, I don't recognize myself. I don't recognize myself. It's like I've lost my glow. It's like I've lost my glow. A lovely place, yet it wouldn't hurt with a change. I am leaving dystopia, and I'm heading for the orchards where wine and grapes will be served at my feet. I don't blame the kids, no, no, no. I don't blame my men, no, no, no. That would be, ironically, they're blaming me. What if I had enough? What if I had enough? What if this was left with chores and unwrapped lingerie and thinking of my hair and I had to cough? Oh! A lovely place, but I still feel like running away. I am leaving dystopia, and I'm heading for the orchards where wine and grapes will be served at my feet. But I still feel like running away. I am leaving dystopia, and I'm heading for the orchards where wine and grapes will be served at my feet. My feet. I am leaving. I am leaving. I am leaving. Elle s'appelle Joanna Lilvic et elle nous interprétait le morceau intitulé Mother's Blues, bah le blues de sa maman. Hein. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez depuis la Belgique, n'oubliez pas, demain, eh bien, c'est la fête des mères en Belgique. Voilà, alors, je vous propose, avant de continuer en musique, d'aller voir sur le site de la Rocale, pas de la Rocale, on l'a fait tout à l'heure, de la Culture Fabrique, voir ce qu'il nous propose pour ce mois de mai 2022. Eh bien, il y a toujours le fameux festival flamenco, comme chaque année, hein, ça a commencé, ou ça commence en tout cas aujourd'hui, et il y avait des ateliers cet après-midi, donc c'est passé. Mardi prochain, ce sera le Stoner, ce sera du rock avec, c'est illisible, je vous avoue que c'est carrément illisible sur leur site internet, c'est du blanc sur du blanc, donc si vous voulez aller voir du Stoner Rock, c'est mardi prochain à la Culture Fabrique. Je ne peux pas vous annoncer le nom du groupe parce que voilà, c'est pas très très convivial et illisible, et c'était carrément illisible. Samedi 21 à 20h, ce sera Klein Present Zonder. C'est de la musique jazz électronique. Mercredi 25 à 20h, Yob, c'est du métal. Le 27, Turbostat, c'est plutôt punk rock. Le 28, Bruns, et ça se passe au Rotombe, c'est de l'indie rock, voire même de l'expérimental. Donc, il faut faire attention. Et puis, ça nous amène au mois de juin, samedi 4 et dimanche 5. C'est le fameux festival Madone, et ça se passe donc à la Culture Fabrique, mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de notre prochaine émission. Je vous rappelle donc que vous pouvez nous retrouver chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Vous pouvez nous retrouver via internet, hein, sur le site de RGL aussi, ou sur le site de Planet Indie, www.ilovemusic.gq, et puis on a un nom de domaine raccourci, planetlive.ga, et vous arrivez directement sur la page sur laquelle vous pouvez nous écouter, et puis vous nous retrouvez aussi sur le canal télédistribution, et puis aussi en DAB+. Voilà, comme ça on est tout à fait complet. Je vous rappelle aussi que Planet Indie est présent sur Facebook. On a un groupe dans lequel, eh bien, vous pouvez retrouver pas mal d'artistes que vous écoutez dans cette émission. On a une page Facebook, www.facebook.com/planet.indie. Et puis, on a lancé aussi un canal Twitter. Bon, c'est assez calme comme démarrage, je vous l'avoue. Donc, si vous êtes un adepte du petit oiseau bleu, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est simplement @planetindie, tout ça en un mot. Voilà, comme ça, j'ai tout dit. Et puis, on a... Ah oui, autre nouveauté... médias sociaux, réseaux sociaux, tout ça. On a aussi lancé un flux, c'est comme ça qu'on appelle, un flux RSS qui vous permet d'avoir, auquel vous pouvez vous abonner et retrouver, les dernières nouvelles de Planet Indie. Donc là, vous l'avez sur la page d'accueil de Planet Indie. Donc je vous rappelle l'adresse du site, www.ilovemusic.gq. Et puis vous verrez ça en bas de page, il y a le flux RSS et vous pouvez vous abonner. Voilà, allez, on poursuit en musique avec The Legendary Len Begins, Paint It Yellow. C'est un peu du punk rock. Et puis ensuite on écoutera Bradley Coombs avec Core Brew Obels qui l'accompagne, et Never Ever Land. It's summer again. It's sunny outside. Key in the ignition, time for a ride. I've got a ruby red car, it won't go far. It smokes and it splutters, but it sparkles like a star. But you don't share my obsession, when I hear those gears mention. You say one day I'm gonna teach you a lesson. That red car of yours needs a change. Then you turn round to me, cool as can be, and you say, listen to me. Hello. That heap of rust has gotta go, or I'm gonna paint it yellow. She's gonna paint it yellow. Clean. No tree dream, but you don't share my compulsion for petrol propulsion. And you stand there with a can of canary colored gloss, saying that red collar of yours needs a change. Then you turn round to me, cool as can be, and you say, listen to me, hello, that rusty old bang has got to go, or I'm gonna paint it yellow. I'm gonna paint it yellow. I'm gonna paint it yellow. Bradley Coombs accompagné de Core Brobles, Never Everland. Je vois que le temps passe. Bah oui, ça va très très vite. Hein. 17h55 minutes, je vous propose de retourner sur le parcours de Tobias Backstrand, notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. On l'avait quitté à l'époque de son premier groupe Après quelques concerts et quelques compositions instrumentales, ce groupe s'est séparé sans avoir jamais enregistré quoi que ce soit. Quelques années très calmes se sont ainsi passées quand Tobias a été contacté par le chanteur et guitariste Michael Persson. Ils se connaissaient déjà précédemment, mais ce dernier cherchait des musiciens pour l'accompagner en tournée après la sortie de son album Marks and Bleeds. Tobias a bien entendu accepté avec enthousiasme, et au cours de cette tournée, il a fait la connaissance de deux autres musiciens que l'on retrouve sur son album, à savoir le bassiste Pelle Johansson et le percussionniste Hans-Hasse Lindström. Il a ensuite dû déménager pour raisons professionnelles sur l'île d'Åland, là où il a retrouvé eh bien, Magdalena, la fameuse flûtiste dont on a déjà parlé tout à l'heure dans le premier chapitre. Magdalena qui était arrivée dans cette île d'Åland quelques années auparavant. Le duo a rejoint d'autres musiciens pour former le groupe de folk Rotation. Dans ce groupe, Tobias jouait du bouzouki. On le voit donc, il est assez éloigné de ses premières amours qui étaient donc orientées plutôt Iron Maiden et Deep Purple. Je les vois mal avec du bouzouki, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Le groupe Rotation a sorti un album éponyme au début de l'année 2015. La même année, eh bien, il a participé à un projet pour le groupe Rotation a participé à un projet pour les musiciens basés dans la région d'Åland, avec comme idée de base eh bien, de produire un disque avec les contributions d'artistes venus d'horizons musicaux différents mais qui joueraient ensemble. Outre Rotation, on y retrouvait donc par exemple un groupe de reggae ou encore une chanteuse d'opéra. L'aventure de Tobias avec Rotation a pris fin plus ou moins 3 ans plus tard. Il a quitté le groupe pour des raisons entre guillemets privées, on va dire. Le second extrait donc, que l'on va écouter est un morceau en suédois, ça s'appelle Och regnet fall, ou föll, ça veut dire, eh bien, et la pluie, ça signifie la pluie, et la pluie est tombée. L'idée est bien que la vie est faite de haut et de bas, et que s'il se met un moment à pleuvoir, on peut quand même arriver dans un endroit ensoleillé. Musicalement, eh bien, c'est un mélange de musique traditionnelle, vous allez voir l'introduction à musique traditionnelle suédoise, avec quelques connotation plus rock. Je vous rappelle donc, c'est notre album Powerplay. L'album s'intitule Heal et c'est de l'artiste suédois Tobias Bäckstrand, et on écoute donc ce second extrait, Och regnet fall. Eh bien, les auditeurs suédois pardonneront mon accent, mais il est probablement pas correct. Powerplay. Hi, I am Tobias Bäckstrand, and you're listening to Planet Indie. Jag sökte friden men hamnade mitt i en storm. Och regnet föll från himlen så grå, drog mig söderut. Orden kom åter till mig och jag skrev, men mörkret förlåter och jag längtade hem. Och regnet föll från himlen så grå, och dagarna gick. Jag försökte förstå, and you are listening to Planet Indie. Voilà, il voilà annoncé lui-même. C'est Brian Hughes, Brian Tuel Hughes. Il forme le groupe Aetopus. Il vient de sortir son nouvel album. L'album s'intitule Urbus. Personnellement, je trouve que c'est son meilleur album depuis que je le connais. Ça fait déjà quelques années quand même, on en a déjà écouté plusieurs extraits dans cette émission. Je trouve que c'est le meilleur. Je vous propose d'écouter le morceau intitulé 666, Aetopus. Thank you.

And finally, my favorite banjo joke of all. What do you call a beautiful woman on the arms of a banjo player? A tattoo. Ah, c'est excellent, hein? Comment est-ce qu'on appelle une jolie femme dans les bras d'un joueur de banjo? Un tatouage. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de banjo dans Star Wars? Parce que c'est le futur. Voilà, c'est excellent. C'était Michael Jonathan, Banjokes. Excellent, excellent. Allez, je vous propose d'aller dans le découvrir notre BD du mois. Voici le résumé. JC, la quarantaine, est auteur de bande dessinée. Physiquement, on dirait une grande asperge démesurée. Et pour ne rien gâcher, il est ce qu'on appelle communément une petite nature. C'est systématiquement à son détriment que semblent se liguer tous les événements de la vie quotidienne. Comme ce jour maudit où il se découvre une douleur lancinante à l'entrejambe. Après une palpation très peu délicate de la zone, la doctoresse le réexpédie chez un spécialiste où il s'évanouit avant même que le praticien n'ait pu se faire une opinion. Mais la récidive guette et dans l'attente des résultats de l'analyse de sperme, il se voit contraint de porter un suspensoire à testicules avec démonstration offerte par le pharmacien au milieu de son officine, officine bien entendu bondée. Il est à nouveau en indélicatesse avec le monde de la santé lorsque l'infirmière chargée de lui faire une ponction sternale lui signale que ce qu'il a effectivement trouvé légèrement térébrant n'était en fait que l'anesthésie locale préalable à l'opération. Dans un autre contexte, on le retrouve en mode conquérant lorsqu'une jolie fan accepte de se rendre dans sa chambre d'hôtel afin qu'il lui fasse une dédicace personnelle. Loin de se dérouler comme il l'aurait pu l'espérer, la soirée tourne court lorsqu'elle lui demande d'y mettre une allusion au karaté pour son copain qui est ceinture noire. Voilà, et bien toute vie est remplie de hauts et de bas, c'est leur délicat dosage qui permet de l'évaluer belle ou pourrie. En ce qui concerne JC, bien les anecdotes compilées dans cet ouvrage, je vous ai pas dit leur nom, c'est Petite Nature, c'est l'intégrale. Dans cet ouvrage, sont bien évidemment plutôt arrangés dans la catégorie des mésaventures, sinon évidemment ce serait pas amusant. L'existence de notre héros ou anti-héros, c'est selon, semble se résumer à courir les salons du livre en province, à espérer des prix qu'il ne reçoit jamais, à rencontrer des pseudo-groupies, tandis que du côté de ses amours, c'est le calme tout aussi désespérément plat. Sans oublier les inévitables divers petits pépins de santé, bénins mais qui prennent chez lui des allures de lutte sans merci contre la grande faucheuse. Bah oui, il est une chochotte, hein, donc le moindre petite douleur, ça prend des proportions pas possibles. Bien que son métier pourrait amener à le voir comme une sorte d'ado attardé, mais branché tout à la fois, le poids des ans le renvoie désormais concourir dans la catégorie des has-been. La force de ces histoires du quotidien réside précisément dans leur banalité qui permet à tout un chacun de s'y projeter, de se remémorer l'une ou l'autre situation embarrassante similaire dans laquelle on n'a pas manqué de se trouver un jour ou de se demander comment on s'en sortirait et si à sa place on aurait au final fait mieux que lui. Et puis on en connaît tous une chochotte, une mauviette qui ne dépareillerait pas dans le rôle. Sur près de 300 pages, il est inévitable que le niveau du scénario ou des chutes passe par des hauts et des bas. Il y a du cocasse, de l'hilarant, mais aussi du plus fade. Le trait caricatural se marie à merveille avec l'autodérision. Il atteint son paroxysme d'effet comique savoureux dans les moments où le malheureux JC passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, que ce soit suite aux transformations de son corps sous l'effet de souffrances physiques, toujours insupportables bien entendu, ou du fait de la trituration intense de ses neurones à mettre sur le compte d'une quelconque substance psychotrope ou simplement de la moindre contrariété. Les personnages secondaires sont en adéquation avec leur rôle. L'intitulé des différentes historiettes pourrait cependant être par moments amélioré. En conclusion, eh bien, la vie ne manque ni d'imagination ni de ressources pour mettre JC sans dessus dessous et lui faire perdre le moral. Mais gare, les épreuves qu'il doit traverser pourraient très bien nous tomber dessus un de ces jours. Qui sait dès lors se moquer toujours gentiment bien entendu de ce grand dadais ne permettrait-il pas d'éloigner de nous la scoumoun? À lire en plusieurs fois cette intégrale de Petite Nature et lentement pour éviter la saturation justement du mode intégral. C'est sorti chez Fluide Glacial, c'était sorti au mois de septembre, c'est de Chosy, et il est accompagné pour les scénarios parfois par Zep, Lindingre et Barrois. C'est l'intégrale Petite Nature. Et puis je profite aussi de l'occasion pour vous parler de trois autres ouvrages qui tournent autour du monde de Tintin. Le premier, c'est dans la série de La Fabrique des Héros, une série qui nous permet de découvrir les personnages de la culture populaire sous un angle nouveau. Renaud Nattier, un tintinologue reconnu, nous parle du plus fidèle compagnon de Tintin, à savoir Milou. De son point de vue, Milou est quelque part l'alter ego de Tintin, son verso. Tintin est un personnage lisse, presque parfait, sans défaut, le vrai visage du bien, toujours opposé et vainqueur des forces du mal. C'est un univers très manichéiste. Milou se voit offrir une place qui temporise quelque peu cette bipolarité. Milou ne cache pas ses défauts. Il traque les chats, il se préoccupe de son confort, il fait parfois preuve de couardise. Il pense qu'à manger et mais ne rechigne pas sur l'alcool. On le voit parfois déguster du whisky ou du champagne. Milou a aussi d'autres fonctions. Il apporte un peu d'humour au héros, permet de dédramatiser certaines scènes et donne de la légèreté lors de passages quelque peu longuets. Au fil de l'histoire et des histoires de Tintin, l'auteur montre comment le personnage de Milou a évolué de très humain à beaucoup plus canin. Cela ne l'a cependant pas empêché de gagner quelque peu ce qu'il appelle la bataille, en ce sens que le Tintin des dernières aventures s'est plus rapproché de Milou que celui-ci de son maître. Voilà, ça s'appelle simplement Milou, c'est sorti aux impressions nouvelles, c'est un essai de Renaud Nattier. Un autre ouvrage récent, c'est Alan Scott Thomas, Le Marin Bandit. C'est l'histoire d'un marin inspiré d'un des méchants du monde de Tintin, Alan Thompson. Ici, c'est Alan Thomas Scott qui, physiquement, pourrait être le jumeau du premier. Sarah Belmas, qui s'est d'ailleurs en plus dessinée dans son album, a voulu aller voir ce qui se cache derrière ce que l'on sait de ce sbire de l'un des pires malfaiteurs de la bande dessinée francophone. On parle de Rastapopoulos, dont Alan Thompson est l'homme de main, l'exécuteur de ses basses œuvres. On l'a connu comme trafiquant de drogue dans Les Sicaires du Pharaon, d'esclaves dans Coq en stock ou kidnappeur dans Vol 714 pour Sydney. Eh bien, on le retrouve ici en prison depuis 6 mois, à la croisée des chemins. Il en sort et Sarah Belmas imagine ce que pourrait être sa vie à ce moment charnière. Bon sang ne saurait mentir. Il reste lié et attiré par son côté sombre et ses attaches avec la pègre. Mais en même temps, il lui arrive de laisser ses sentiments l'emmener sur des mers plus paisibles et vers des rivages bercés de doux clapotis. C'est donc un ouvrage intitulé Alan Thomas Scott, Le Marin Bandit. C'est le premier roman graphique de la collection Zoom sur Hergé, initié par, de nouveau, le tintinologue Renaud Nattier. Et c'est aux éditions Sepia. Et enfin, un album un peu plus ancien qui est sorti en 2020, mais qui tourne autour toujours du monde de Tintin, c'est Brassens et Tintin, deux mondes parallèles. On pourrait être surpris à la lecture du titre, tant à première vue, et on insiste bien sur ce terme à première vue, les oppositions semblent séparer l'univers de Brassens, empreint de poésie et même de folie, à celui de Tintin qui est, lui, immergé dans l'action. Et pourtant, avec ce livre, Renaud Nattier, encore lui, veut nous montrer, voire même nous démontrer qu'il existe de nombreuses analogies ou affinité entre ces deux œuvres apparemment si dissemblables. Appuyé par son étude approfondie, l'auteur met ainsi en évidence des correspondances surprenantes et des similitudes insoupçonnées. C'est aussi donc paru aux impressions nouvelles Brassens et Tintin, deux mondes parallèles. Je vous ai mis sur la page Facebook de Planète Indie et dans le groupe Planète Indie et sur Twitter aussi, c'est des résumés de ces livres et une photo des couvertures. Allez, je vois que le temps presse, il est 18h20, on va encore écouter Karna Cronin, Our Way, et puis il nous restera encore à aller voir sur l'album Hill de Tobias Backstan, notre album Powerplay, pour le troisième extrait. Standing right here in the virgin night, showered in lights, I just wanna reach out to hold it somehow. A woven path through the darkest sky, ring upon you, my satin bride. Two worlds to last, waiting for plotted hotel through the Milky Way. Sail past the moon in the light of day. We can have it our way. We can have it our way. Yes, I'm landing so high where the calm clouds peak. It's a feeling that I get every time you speak. We can have it our way. We can have it our way. Climbing up a ladder to the greatest view. Before the witnesses, I'm Lord to you. The one to call for. With the world spinning round through the sapphire night at 60,000 miles an hour. But we're so still tonight. Just two for life. We can fly to Altair through the Milky Way. Sail past the moon in the light of day. We can have it our way. We can have it our way. Yes, I'm landing so high where the calm clouds peak. It's a feeling that I get every time you speak. We can have it our way. We can have it our way. Get every time you speak, landing so high where the calm clouds peak. It's a feeling that I get every time you speak. We can have it our way. We can have it our way. Yes, I'm landing so high. It's a feeling that I get. Il s'appelle Corna Crona et il nous interprétait Away. Troisième et dernière partie maintenant de notre découverte de l'album du chanteur-compositeur suédois Tobias Backstrand. Pendant ces années avec le groupe Rotation, il a continué à jouer avec Michael Parson et il s'est mis à écrire et composer ses propres chansons. Dont l'une Sometimes We Get Lost a été reprise sur la compilation Home Is Where The Heart Is. Tandis que d'autres se retrouvent sur notre powerplay de ce jour, l'album Heal. Quand Tobias s'est décidé à réaliser un album, il a fait appel aux gens qu'il avait rencontrés pendant ses précédentes étapes et avec qui il a énormément apprécié jouer. On en a déjà parlé précédemment. Les chansons ont été écrites sur une période très longue. La plus ancienne, Irish Coffee, date d'il y a à peu près 20 ans et la plus récente, à plus ou moins 3 ans. La plupart ont été écrites à l'époque où il vivait à Hollande, période pendant laquelle beaucoup de choses lui sont arrivées, certaines bonnes, d'autres beaucoup moins, ce qui a influencé ses compositions. Mais quand il lui a fallu choisir celles qui se retrouveraient sur l'album, il s'est dit qu'il y avait déjà sur le marché suffisamment de productions qui exploraient le côté sombre de la vie, tandis que, il a choisi de sélectionner les positives, car il voulait que les gens terminent l'écoute de son album rempli de bonne humeur. D'autant plus qu'il avait prévu de sortir l'album le jour de son 50e anniversaire, mais la pandémie est passée par là et l'a donc forcé à décaler le tout de plus ou moins une année. Du coup, on retrouve sur l'album 10 morceaux, dont 3 instrumentaux, 3 chansons en suédois et les 4 restantes en anglais. Et bien, en ce qui nous concerne, on va retourner donc sur un morceau en anglais. Il s'appelle Sisters et Tobias l'a écrit directement après avoir regardé le second épisode du film Le Hobbit. Et la bande-son du film a probablement poussé à l'écriture, voire même influencé. Le titre débute avec une mélodie entraînante et avec ce morceau, il veut rendre hommage à quelques amis qui l'ont aidé à élargir son horizon et à oser essayer de nouvelles expériences dans sa vie. Voilà pour l'histoire de Tobias Beckstrand. Je vous ai mis une vidéo, la vidéo de Drifting in the Wind sur notre page Facebook, dans Twitter et sur notre groupe Facebook. Je vous propose donc d'écouter ce troisième extrait qui s'intitule Sisters. C'est notre power play ce soir pour cette émission numéro 442 de Planète Indie. Power play. Power play. Mend the fire from within, keep you warm and save the night. My sister, mend the rays from the old sun, bring a smile upon your face. My sister, you mean so much to me, my friend. You show me another way to live. My sister, may the birds sing you a song as you dance barefoot on the grass. My sister. Voilà, c'était Tobias Beckstrand, Sisters. C'est ainsi que se termine notre épisode numéro 442 de Planète Indie. J'espère que vous avez apprécié. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, en groupe et en page, sur Twitter et puis sur notre site internet www.ilovemusic.gq. Notre prochaine émission se déroulera le samedi 5 juin. D'ici là, portez-vous bien. Profitez du soleil et puis bon week-end tout simplement. Allez, à très bientôt.